vas faire ton grand Joe connaisseur. Ton grand Joe connaisseur. Tu vas nous parler de l'environnement. Parler de l'environnement. Qu'est-ce que tu connais au beluga, à la nature et au petit rat? Si on parle d'espèces menacées, tu penses à ma tante Rose Aimée. Te v'là encore mon grand panda. Mon grand panda. Pour nous parler d'environnement. Parler d'environnement. Qu'est-ce que tu sais sur le pétrole? D'autres que ça coûte cher en cibole. Si on te parle de Barry, tu penses poulet frit. Le jour de l'environnement. Qualité de l'air en même temps que de crème solaire. T'es du Muller.